Saviez-vous qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du logiciel libre et c'est tout à fait sérieux. C'est un événement mondial, en fait, annuel, où le grand public est invité à venir découvrir des logiciels libres. C'est une journée internationale qui est célébrée depuis 2004, le troisième samedi de septembre, donc aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sera souligné à compter 13 heures à la bibliothèque de Chicoutimi. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre? Éric Leduc, concepteur, projeteur en logiciel libre, et Anthony Lapointe, cofondateur du Démolab de Saguenay, sont en studio pour nous en parler. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, bonjour. Qui m'explique ça, ce que c'est qu'un logiciel libre, Éric? Oui, je peux y aller. Oui. Alors aujourd'hui, on considère qu'un logiciel est libre lorsqu'il répond aux quatre libertés fondamentales qui donnent à l'utilisateur du logiciel libre. La première liberté, c'est d'exécuter le programme pour tous les usages. La deuxième liberté, c'est d'étudier son fonctionnement et de l'adapter à ses besoins. Troisième liberté, la liberté de redistribuer des copies de ce programme. Ça implique aussi bien de donner le programme ou même de vendre le programme. On n'est pas limité là-dessus. Puis la quatrième liberté, c'est d'améliorer le programme puis de distribuer ses propres améliorations au public. Donc, pour répondre à ces quatre libertés-là, un logiciel libre doit nécessairement fournir les sources du programme. Ce qui n'est pas toujours le cas dans des logiciels, les logiciels peut-être plus connus qu'on utilise, Anthony. Exactement. Donc, on a un logiciel on aime bien parler de logiciels qui sont privateurs, qui nous permettent pas justement d'accéder aux sources, qui nous permettent pas de savoir comment que le logiciel est conçu. Donc, on utilise des logiciels qu'on connaît pas qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que les données qu'on utilise, qu'est-ce qu'ils font avec. Donc, on parle de ces logiciels privateurs-là. Puis, lorsqu'on les utilise, habituellement, on est obligé d'accepter une licence puis d'accepter des termes et des conditions qui sont, à mon sens, qui sont vraiment malsains. Donc, on a des innovations qui se font au niveau technologique, mais pour pouvoir les utiliser, il faut accepter finalement des conditions et des termes que personne ne lit, qui sont très souvent malsains. Oui, donc c'est comme un peu ce qui est écrit en petits caractères là, sous certaines publicités, puis que personne ne lit, mais il y a des conséquences fâcheuses parfois. Exactement. Par exemple, Éric? Conséquences fâcheuses, c'est principalement qu'on peut pas modifier, on peut pas adapter ces programmes-là. Conséquences fâcheuses, c'est qu'on se trouve enfermé dans un écosystème qui est dirigé par des compagnies, puis qui font ce qu'ils veulent, dans le fond, pour répondre plus à leurs besoins de faire encore plus d'argent versus nos besoins de simplement aller sur Internet ou faire du courriel. Et moi, quand j'avoue que je j'apprends beaucoup de choses, là, les logiciels libres, j'y connais pas vraiment grand-chose. J'ai entendu parler tout le monde de Linux. Est-ce que Linux, c'est un exemple de logiciel libre, ça, Anthony? Absolument. Oui, Éric, oui. Oui. Linux, c'est un système d'exploitation qui est entièrement libre. C'est un système d'exploitation qui se compare. Peut-être que je vais parler un peu c'est quoi un système d'exploitation pour mieux comprendre aussi là. Donc il y a le plus populaire qui est Windows, puis il y a Mac OS X aussi qui est très populaire. Puis il y a aussi une distribution qui est libre qui est Linux finalement qui est un système d'exploitation libre qui garantit nos libertés fondamentales parce qu'on sait comment qu'il est fait, on a le droit de le modifier, puis on sait qu'est-ce qui se passe avec nos données, puis on n'est pas prisonnier un peu d'une utilisation forcée selon les termes d'une licence comme avec les logiciels propriétaires Windows et Mac. Mais j'entends parler de liberté, de prisonnier, c'est carrément la révolution à laquelle vous nous conviez. Oui, absolument. Oui. Ici d'ailleurs en studio, j'ai un livre qui est Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. Alors lui, c'est un peu notre gourou, si on veut. C'est lui qui a lancé le mouvement du logiciel libre suite à une frustration parce qu'il voulait modifier quelque chose dans une imprimante puis il n'avait pas accès au code source. Puis c'est un peu une anecdote, mais c'est vrai, c'est l'étincelle qui a fait déclencher la révolution du logiciel libre. Puis c'est lui qui a mis en place tous les concepts, qui a lancé la Free Software Foundation, puis qui a participé aussi au premier Linux. Tout ça s'est fait pas mal en même temps. Il a lancé GNU. GNU, c'est GNU is not Unix. C'est le mouvement qui régit comme le logiciel libre. C'est ça qui l'a défini au départ. Donc Linux, quand on l'appelle juste Linux, on devrait l'appeler GNU Linux en fait, parce que c'est les deux composantes. Mais c'est un mouvement donc important qui prend de l'ampleur. Mais je vous entends parler de Windows. J'imagine qu'il doit y avoir de la résistance de la part de Absolument, oui. Beaucoup de résistance. D'ailleurs, on le voit. au niveau des appels d'offres du gouvernement puis ces choses-là. En ce moment, ça joue très, très dur. Puis Microsoft ont beaucoup, beaucoup de lobbyistes puis de gens qui travaillent proches de nos gouvernements pour perpétuer l'utilisation de leurs produits versus les produits du logiciel libre. D'ailleurs, Bill Gates a déjà dit qu'il préférait que quelqu'un pirate Windows plutôt qu'il utilise Linux, parce qu'une fois qu'il est rendu dans Linux, il l'a perdu. Tandis que quelqu'un qui pirate Windows, il est encore dans le giron Microsoft. T'sais. Donc, si vous voulez vous opposer à Bill Gates, allez installer un logiciel libre. Mais vous dites que bon, il y a beaucoup de lobbyistes. Pourtant, il y a des organisations importantes, la NASA, par exemple, qui utilise des logiciels libres. Des pays aussi, comme le Brésil, qui utilise des logiciels libres. Oui, En fait, la NASA a changé son système d'exploitation. Il utilise un système d'exploitation Microsoft Windows. Puis, étant donné que ça brimait leur liberté, ils ne pouvaient pas venir modifier le programme, ils ne pouvaient pas savoir comment c'était fait. Ben, il n'y avait pas la stabilité non plus du programme, puis ils voulaient améliorer la stabilité. Ben, ils ont changé pour un système d'opération qui utilise Linux. Un système d'exploitation qui utilise Linux. Puis, il y a des gouvernements aussi qui changent leur logiciel, comme le Brésil, qui commence à intégrer le logiciel libre. Puis aussi dans la mouvance du open data qui veut plus de transparence. Ben là, en plus, on utilise des outils qui sont ouverts, qui sont plus transparents. Puis aussi, je pense que le gouvernement français, la police française, commence à utiliser les distributions Ubuntu pour ses policiers. Oui, et la gendarmerie française au complet. Ouais. Et l'UQAC utilise Firefox, je crois, qui est un logiciel libre aussi? Oui, il doit sûrement être utilisé à l'UQAC, certainement. Je ne pense pas que ce soit le logiciel officiel pour naviguer. Oui? Je sais pas. Ben, tant mieux, si oui. Mais donc, concrètement, là, les gens qui nous écoutent disent « Ouais, ça m'intéresse, moi. » Ils apportent leur ordinateur portable à la bibliothèque à compter de 13h aujourd'hui? Oui, après-midi, on va faire deux présentations, Anthony et moi. La première, ça va être Anthony qui va parler plus de la philosophie en dessous des logiciels libres. Moi, je vais faire une présentation peut-être plus concrète au niveau de la découverte des logiciels libres. Alors, je vais montrer tous les logiciels grand public. Quand on parle de Linux, la marche est peut-être haute pour le commun des mortels pour convertir son Windows en Linux, parce que tout n'est pas rose non plus dans le monde Linux. Puis, comme on l'a mis un peu en lumière tantôt, il y a des programmes qu'on aime bien en Windows, mais même si on passe à Linux, ils marcheront jamais, ces programmes-là, en Linux. Par exemple? Il y a certains programmes de création de musique, de traitement de musique, aussi dans le montage vidéo. Des logiciels qui sont plus professionnels, plus pointus, sont développés par des compagnies qui se concentrent sur une plateforme, soit Windows ou soit Mac. C'est compréhensible aussi. Oui. Il y a beaucoup de projets communautaires dans ces domaines-là aussi qui se développent, mais c'est plus pour un musicien qui travaille chez eux ou pour quelqu'un qui est prêt à s'investir dans ces logiciels de création, soit audio ou soit vidéo, parce que c'est pas les mêmes boutons à même place que les autres logiciels qu'on est habitués. Mais pour le traitement de texte, par exemple, il n'y a pas de problème? Il n'y a aucun problème. On a OpenOffice qui est très, très connu, mais qui a muté. De nos jours, on travaille avec LibreOffice, qui est la suite, si on veut, d'OpenOffice. LibreOffice, c'est quelque chose qui est 100% comparable avec Microsoft Office. Et il va lire tous les formats propriétaires de Microsoft, c'est-à-dire les .doc, les .docx, les .xls, les .xlsx, puis tout ça. Même côté anecdotique, ça m'est déjà arrivé, je travaillais en milieu de travail, puis mes collègues avaient eu sur le nouveau ordinateur le nouveau Microsoft Office qui, là, faisait des .docx puis des .xlsx. Puis c'était moi, avec mon LibreOffice, qui leur faisait la conversion, parce que les autres qui étaient en Office 2007 ne pouvaient pas ouvrir un DocX. Donc, le logiciel libre nous permettait de convertir un DocX en .doc, puis les autres pouvaient travailler. C'était drôle parce que, dans le fond, c'est un peu Microsoft se faisait prendre à leur propre jeu. Donc, c'est la pérennité des données, en fait. Mais les gens, donc, qui nous écoutent et qui disent « Ouais, mais moi, je ne veux pas perdre ce que j'ai sur mon ordinateur et tout ça », donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils font des copies de ce qu'ils ont déjà sur leur ordinateur ou quoi? On peut faire des copies avec des disques durs externes ou on peut aussi installer simultanément avec avoir une version de Windows puis avoir une version de Linux sur son ordinateur. Donc, on peut partager son disque dur pour pouvoir démarrer soit en mode Linux ou en mode Windows pour pouvoir continuer à utiliser nos logiciels qui ne sont pas disponibles nécessairement sur Linux, mais en même temps avoir la convivialité puis le respect de nos libertés fondamentales de Linux puis pouvoir utiliser ça comme système aussi. Et c'est gratuit? C'est gratuit. Absolument. Puis sans passer directement à Linux, je voudrais juste rappeler qu'on peut passer à un navigateur web qui est libre, comme Firefox. On peut passer à un logiciel de courriel qui est libre, comme Thunderbird. Ces deux logiciels-là, ils fonctionnent très bien sur Mac, sur Windows ou sur Linux. C'est le même logiciel. La suite bureautique aussi, LibreOffice, fonctionne sur les trois plateformes. Donc, une fois qu'on adopte ces logiciels-là, puis éventuellement, si on veut passer à Linux, ben ça facilite parce que toutes les logiciels qu'on utilise, ben ils vont rester familiers, ça va être les mêmes logiciels sous Linux, donc ça peut faciliter une transition. Moi, c'est ça que j'ai fait personnellement. Vive le logiciel libre, non? Vive le logiciel libre. Vous êtes des révolutionnaires, Éric Leduc, Anthony Lapointe. Et je rappelle donc que c'est la journée internationale du logiciel libre. Écoutez, si ça vous tente, d'après ce que vous avez entendu, vous vous présentez avec votre ordinateur portable à compter de 13h à la bibliothèque publique de Chicoutimi. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Au revoir.